Thank you. Hall. Je vais mettre en solo.

C'est bon ça. J'ai faim. Je vais demander à Phil, le chef cuistot. Rodage, je te suis.